Unité 5, leçon 4, page 62. L'école. L'école est dans la mosquée. On y entre en se déchaussant. Mais ici, la plupart des enfants n'ont pas de chaussures. La terre est jaune, les murs sont rouges. Des pèlerins de retour de la Mecque y ont dessiné un avion ou un bateau. Quatre murs et un toit en pisé. Heureusement qu'il ne pleut pas souvent. Après la dernière pluie, tout a été reconstruit. Dans le village, l'arbre est plus important que l'école. Je connais bien cette terre, j'ai failli y perdre mes yeux. La poussière est chargée de microbes qui donnent le trachome. J'ai été soigné en ville et grâce à mon oncle, chauffeur de taxi, j'ai eu la chance d'étudier. Je suis le nouvel instituteur. En fait, je dois être le premier enseignant désigné par le ministère pour ce poste. Le matin est un jour de fête. J'ai distribué aux élèves des cahiers et des crayons envoyés par la France et des buvards venus de Belgique. Ils sont 30 enfants, garçons et filles. Ils sont tous passés par l'école coranique. Certains savent lire et écrire. Ils ont des yeux vifs et des corps secs, comme moi. Je suis long et maigre. Je porte des lunettes. Je suis content d'être de retour dans cette plaine perdue entre les collines et les sables. Mes souvenirs d'enfance ne sont pas tristes. On manquait de tout. Cela faisait de la peine à nos parents. Nous autres gamins, nous aimions jouer avec des chats morts. En faisant l'appel, les enfants rient. Le deuxième jour, deux élèves manquent. Sont-ils malades ou se sont-ils perdus? Personne ne répond. Deux absents sur 30, ce n'est pas mal. Ils viendront demain. Justement, le lendemain, ils ne sont pas venus. Trois autres enfants manquent. Je m'inquiète. Je n'ai pas de directeur à qui m'adresser, je suis l'instituteur, le directeur et le gardien des lieux. Les enfants ne disent rien. Je donne mes cours avec une petite inquiétude. Au bout d'un mois, je me suis retrouvé avec la moitié des élèves. Où sont passés les 15 autres? Je décide de parler au chef du village, Hadj Baba. Je le retrouve en fin d'après-midi, sous l'arbre, entouré de quelques hommes. Il me dit... Les enfants sont des cailloux, des branches d'un arbre qui perd ses feuilles, des mots bleus, des éclats de rire. Ils vont, ils passent, et ne laissent pas de traces. Tu dois savoir tout ça, toi qui viens de la ville. Mais pourquoi ne viennent-ils pas à l'école? Tu as vu l'état du bétail? Tu n'étais pas là l'année dernière, pas une seule goutte de pluie. Vous avez peur d'une épidémie? C'est quoi une épidémie? Une maladie qui touche tout le monde. Non, pas de maladie. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Du sable, des pierres, un arbre, celui sous lequel nous sommes assis. Du vide, du vent, de la poussière, un fou qui parle tout seul, et puis cette mosquée transformée en école. Voilà, c'est tout. Je dois aller les chercher et les ramener à l'école. Si tu les trouves. Peut-être ont-ils été avalés par un puits. Un puits sec, un trou où se tient actuellement le congrès des scorpions et des serpents à sonnette. Les enfants nous échappent, comme des paroles. Ils s'envolent et partent avec les rares nuages qui s'arrêtent au-dessus de nos têtes. Je parlerai à leurs parents. C'est une idée, mais elle ne te fera pas avancer. Circule plutôt. Regarde un peu au loin. J'ai pris mon vélo et je suis parti à la recherche des enfants. Un berger me montre du doigt une bâtisse à l'horizon. Je ne la connaissais pas. Il me dit que lui aussi aimerait aller à la bâtisse blanche, mais il ne trouve personne pour garder les moutons. Qu'est-ce qu'on fait dans cette bâtisse blanche? On gagne de l'argent. En faisant quoi? Je ne sais pas. Tous ceux qui y vont sortent avec de l'argent. Moi, je n'ai jamais eu d'argent. La porte de la bâtisse est fermée. Je la force. Un gardien me menace avec un gourdin. Je recule et j'attends. Je lui propose quelques cigarettes et il m'ouvre la porte. J'entre dans un couloir et au bout, je me trouve face à une salle où une centaine d'enfants sont en train de coudre des morceaux de cuir blanc et noir jusqu'à former un ballon. Mes élèves fabriquent des ballons en vue de fêter l'an 2000 dans les capitales européennes. La tête baissée, ils travaillent en silence et vite. Les ballons sont testés par un chef blanc, puis mis dans des filets. Je m'approche. Il s'étonne, puis il me dit Tu es l'instituteur ? Oui. Tes élèves préfèrent ma fabrique à ton école. Au moins ici, ils gagnent de l'argent. Mais ce sont des enfants, des mineurs. Vous n'avez pas le droit de les faire travailler. Je ne les oblige pas. D'ailleurs, toute la classe est là. Tu pourrais leur faire cours quand ils mangent, parce que je leur donne aussi à manger. En Amérique, ils utilisent des machines. Ici, c'est la main qui coud. C'est du solide. À présent, dégage. Les élèves n'osent pas me regarder en face. La peur ou la honte. De retour au village, j'informe Hadj Baba qui hoche la tête et me dit « Tu n'es pas plus fort que le vent, ni plus cruel que le ciel. La terre a soif et le bétail est en mauvais état. 1 dollar par jour et par enfant, ce n'est pas rien. L'école est là, elle ne bougera pas. Dès que ça ira mieux, tu reprendras tes cours. Le savoir peut attendre, pas le ventre de l'homme. » À la fin de la journée, je suis repassé à l'école, j'ai ramassé mes affaires et j'ai pris mon vélo pour repartir à la ville. Sur le chemin, j'ai rencontré mes élèves, qui m'ont entouré et empêché d'avancer. J'ai dû faire demi-tour, poussé en arrière par les enfants serrés les uns contre les autres. Tahar Benjelloun.